J'peux mettre des milliers de dollars sur ton compte en banque. J'ai tout ce qu'il me faut, il n'y a que ton niard qui me manque. Dès que je passe, tu te demandes si tu ne rêvais pas. C'est comme si le soleil s'en allait et ne revenait pas. J'monte au créneau et tu descends d'un cran. J'suis pas dans un groupe, j'suis dans un clan. J'découpe des grosses têtes de bœufs sur un plan. Des grilles sur les dents, j'compte les diams en tes et sur ma montre. Quand j'ai mal à mon petit cœur de monstre, j'brille comme poussière d'étoiles dans l'espace. Puisque j'en viens, je sais ce qui s'y passe. Quand j'peux pas oublier que je viens du quartier. Quand j'peux pas oublier qu'à lâcher bombardier. Je sais pas pourquoi j'ai le seum. Pour me calmer, je compte mes lèmes. Calibré, je peux tous vous délivrer. Je viens du ciel comme un tir aérien. On ne calcule pas si t'es un galérien. Calme même sous dialyse, on s'en bat les reins. Enterrer mes dix, on m'en valait rien. J'ai un avion de chasse dans la peine. Je fais le tour des grosses enseignes. Des poulets patrouillent dans la peine. Je serai au four si c'est renseigne. Même au volant d'un Maybach, je sais. Je viens sur les photos des flashs avec un gros joint. Quand j'peux pas oublier que je viens du quartier. Quand j'peux pas oublier qu'à lâcher bombarder. Papa, no more drama. Pour la mi-fa, faut des love, yeah, faut des love. Faut des love, faut des love. J'suis du 9-3 comme safe, you Molotov. Molotov, Molotov. Quand j'peux pas oublier que je viens du quartier.